Marc M. Dan, archive.org, d'après, archive-lisieux.fr, licence Creative Commons pas d'usage commercial, mes armes, poésie, PN 48, de Sœur Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face, datation, 25 mars 1897, destinataire, Marie de l'Eucharistie, sa cousine Marie Guérin, pour sa profession. Ces couplets sur les vœux sont chantés le soir en communauté, autour de la jeune professe, cantique composé pour le jour d'une profession, R, partez, héros de la bonne nouvelle. Citation, revêtez-vous des armes de Dieu, afin que vous puissiez résister aux embûches de l'ennemi, Saint Paul, elle épouse du roi est terrible, comme une armée rangée en bataille, elle est semblable à un chœur de musique dans un camp d'armée, cantique des cantiques. Mes armes, du Tout-Puissant j'ai revêtu les armes, sa main divine a daigné me parer, rien, désormais, ne me cause d'alarme, de son amour qui peut me séparer, à ses côtés, m'élançant dans l'arène, je ne craindrai ni le fer ni le feu, mes ennemis sauront que je suis reine, que je suis l'épouse d'un Dieu, ô mon Jésus je garderai l'armure, que je revais sous tes yeux adorés, jusqu'au soir de la vie, ma plus belle parure, seront mes vœux sacrés. Ô, pauvreté, mon premier sacrifice, jusqu'à la mort tu me suivras partout, car je le sais, pour courir dans la lice, l'athlète doit se détacher de tout, goûter, mondain, le remords, et la peine, ces fruits amers de votre vanité. Joyeusement, moi je cueille en la reine les palmes de la pauvreté. Jésus a dit, c'est par la violence, que l'on ravit le royaume des cieux. Eh bien la pauvreté me servira de lance, de casque glorieux, la chasteté me rend la sœur des anges, de ces esprits purs et victorieux, j'espère un jour voler en leur phalange, mais dans l'exil je dois lutter comme eux, je dois lutter sans repos, et sans trêve, pour mon époux, le Seigneur des Seigneurs, la chasteté c'est le céleste glaive, qui peut lui conquérir les cœurs, la chasteté c'est mon arme invincible, mes ennemis par elle sont vaincus. Par elle je deviens, au bonheur indicible l'épouse de Jésus. L'ange orgueilleux au sein de la lumière, s'est écrié, je n'obéirai pas. Moi je m'écris dans la nuit de la terre, je veux toujours obéir ici-bas. Je sens en moi naître une sainte audace. De tout l'enfer je brave la fureur. L'obéissance est ma forte cuirasse, et le bouclier de mon cœur. Dieu des armées, je ne veux d'autre gloire, que de soumettre en tout ma volonté. Puisque l'obéissant redira ses victoires toute l'éternité, si du guerrier j'ai les armes puissantes, si je l'imite et lutte vaillamment, comme la Vierge aux grâces ravissantes, je veux aussi chanter en combattant, tu fais vibrer de ta lyre les cordes, et cette lyre, ô Jésus, c'est mon cœur, alors je puis de tes miséricordes, chanter la force et la douceur, en souriant je brave la mitraille, et dans tes bras, ô mon époux divin, en chantant, je mourrai, sur le champ de bataille les armes à la main.